Dossier 2. Leçon 3. Activité 9. Passez-moi le carnet, s'il vous plaît. Bon, je vois que vous avez noté correctement les rendez-vous. Ça, c'est une bonne chose. Autrement, ce n'est pas encore parfait, mais c'est normal. C'est la première semaine, hein? Écoutez, il y a une chose importante. Quand je m'occupe d'un animal, vous devez observer attentivement mes gestes et ne pas regarder de temps en temps par la fenêtre, comme vous le faites. Et puis, vous montrez encore trop de signes de nervosité. On voit que vous avez un peu peur de certains animaux. Ben, ils peuvent me sauter dessus ou me mordre. Si vous gardez votre calme, il ne vous arrivera rien. Et puis moi, je connais parfaitement les gestes à avoir en cas de problème. Bon, mais c'est pas facile. Je n'ai jamais fait ça avant. Oui, je sais. Ah, autre chose, c'est important dans le métier. Après chaque visite, il faut que vous fassiez encore un petit effort supplémentaire pour la propreté. N'hésitez pas à utiliser beaucoup de produits de lavage. Bon, d'accord. Mais avec les gens, ça allait? J'ai l'impression que j'ai un bon contact avec eux, non? Oui, vous êtes plutôt aimable et souriante. Mais il est important aussi que vous fassiez des petits compliments en direction de l'animal. Vous savez, les maîtres adorent quand on porte de l'intérêt à leurs compagnons. Du genre... Oh, qu'il est mignon! Mais tu es beau, toi, tu sais? Oui, si vous voulez. Bon, il est 4 heures. J'entends Madame Cornillac qui vient d'arriver avec son toutou. Faites-les entrer, s'il vous plaît. Oh là là!